paye, ouais, ouais, ouais. Tu m'envoies passer à bas. Je suis un bloc séculé, ouais. Je vois tes potes qu'on a que pire. C'est les risques de la vie, ben ouais. Je sais pas comment te dire. Je sais plus trop qu'espérer. T'as frappé ton tête, tu n'avais rien dans l'auto. Ton photo, les waves, est retourné en moto. T'as frappé ton tête, tu n'avais rien dans l'auto. Ton photo, les waves, est retourné en moto. Même les fuck en deux deux, j'suis dans la prise, ça fait des ans, ça fait des samba. Même les ouais on fait danser, tout le monde en bas. Ils savent pas, qu'on prépare, personne pourra les guider. J'rentre tard, j'me lève tard, les ouais on est limités. Je sais pas jouer. Allez, oubliez-moi. Là, je suis déroué. Allez, oubliez-moi. Là, je suis déroué. Allez, oubliez-moi. Là, je suis déroué. Allez, m'en voulez pas. Moi, je vous aimais. Allez, vous voulez quoi? Je suis en vente tous les soirs, cherche à vous éviter. J'ai confiance en moi, je me dis que ce qui m'arrive, c'est peut-être mérité. Là, je suis déroué. Là, je suis déroué. Là, faut qu'on blesse, je suis ailleurs. Là, je suis bleuté le sang. Faut que j'aille prendre l'air. Phénomène du ghetto dans les platines, je vais toucher la bavette à chacune des rimes. Potion magique dans le sac, je me sens à l'aise, les ouais sur le beat. Quel est les ouais, au moins tant c'est nul, mauvais délire, je ne lui mets pas le nom. Dans la boîte, tapez le pas de trop. Oui, on est trop, ramenez-nous plus de sang. Oui, on est trop, ramenez-nous plus de sang. Alors, ton marina, je t'aime bien, mais t'es plein de petites paris. Ah oui, oui, c'est vrai que t'es très mignonne. Et ça, on peut pas nier.